بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم des points importants des gens de la Jahiliya que nous avons constaté chez les maftoun du Hizb al-Jadid et ceux qui les secourent et ceux qui les suivent. Ces masses de la Jahiliya sont présentes chez ces gens-là. Par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahu Allah ta'ala. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ليخرج الناس من الظلمات للنور وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وصلى الله على نبينا وسلم وعلى أهله وصحبه تسليما مزيدا أما بعد Donc après que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait accordé de pouvoir, alhamdulillah, achever l'étude de ce livre qui était Masal al-Jahiliya de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahimahullah ta'ala, avec l'explication de Cheikh Fawzan. À travers ce livre, il nous a apparu des masa'il, des points importants des gens de la Jahiliya que nous avons constatés chez les maftoun du Hizb al-Jadid et ceux qui les secourent et ceux qui les suivent. Ces points de la masaïl de la Jahiliya, ces masaïl de la Jahiliya sont présentes chez ces gens-là. Donc là, on aimerait en parler, Inch'Allah. Et, il y a un itambi, c'est que le fait que des gens aient des points de la Jahiliya en eux n'inclut pas un takfir, ne veut pas dire que ce soit des koufars ou des mécréants. C'est tashabbuh bil koufar. D'accord? Et c'est le lien qui est entre les gens du faux. Qu'il s'agisse des gens de la bid'a, qu'il s'agisse des gens du shirk, il y a des irtibat entre eux, il y a des liens entre eux. Car tous sont unis dans la mukharafat sharia. Ils sont tous opposés à la législation. Certains bikulliya complètement et d'autres juz'iya, de façon partielle. Tout en étant des croyants, mais ils ont transgressé des points de la législation. Taïeb. Donc là, comme nous expliquer, ces points présents dans ceux qui ont combattu cette da'wa mubaraka de Dammaj et à sa tête, Cheikh Yahya ibn Halil Hajuri, hafizallahu ta'ala. C'est maftoun, c'est hizbi, c'est munharifin. Tous ne sont pas des hizbi dedans, mais ils sont tous unis sur un point qui est la guerre menée à cette da'wa mubaraka. Donc là, j'ai changé le tartib des masa'il qu'on a pris dans le livre. Dans le livre, il y a 128 points, 128 masa'il. Moi, dans ce livre-là, par la suite, j'ai pu en regrouper, là, dans ce mot dans ce sujet, j'ai pu en regrouper, là, actuellement, 56. Et en réalité, j'en avais trouvé près d'une soixantaine. Mais pour résumer, et certaines qui étaient discutables, j'ai réuni les 56 qui m'apparaissaient comme étant les plus clairs, les plus flagrants chez eux. Donc, le tartib, c'est que, c'est pas le même tartib que dans le livre. Je les ai reclassés moi-même en fonction du sujet. En 14 gros points qui eux-mêmes regroupent les masa'il qui s'y attachent, qui s'y rapportent. 14 gros points, et dans chaque point, on y cite les masa'il prises du livre. Et à la fursa, Inch'Allah, on cite des paroles de Cheikh Fawzan, Hafizallahu Ta'ala, prises du livre également, qui éclaircissent et mettent en évidence que les actes commis par ces gens-là sont en concordance avec les gens de la Jahiliya dans leur façon de penser et dans leur façon de faire. Les nasa'ih qui donnent, les tawjihat qui donnent, justement démontrent que les actes de ces gens-là, s'ils en avaient pris connaissance, ils ne les auraient pas cautionnés. Quoi qu'il en soit, le but là n'est pas de prendre Cheikh Fawzan pour sur eux. C'est juste des paroles d'un alim, d'un imam de notre époque, salafi. Il lui-même n'est pas ma'soum, taïeb. Mais il reste une référence pour la Oumma en cette époque qui démontre que ce à quoi le Kitab et le Sunna appellent s'opposent à la façon de faire de ces gens-là. Taïeb. On va faire en deux parties l'audio. Nabda musta'inin billah. Bil nukta al-oula. Donc le premier point, premier titre, huwa al-furqa. La division. وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dans le sens, Allah il a dit, et accrochez-vous tous à la religion Allah et ne vous divisez pas. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve. Et ceux-là auront un châtiment douloureux. Donc là, on parle des furqa, que ces gens-là ont créé la furqa, la division. Et même entre eux. Donc la masse à la prise du livre, qui est Athaniya, Annahum muftadikuna fi dinihim, qu'ils sont divisés dans leur religion. Wa thalathun, Annahum taraku wasiyat Allah bi dishima'. La trentième qui était qu'ils ont délaissé l'ordre d'Allah de s'assembler, de se réunir. Donc là, c'est des choses que vous avez constatées. Déjà, entre eux, comme dans un audio, cela a été cité, qui s'appelle l'écroulement, la divergence, on cite que eux-mêmes, entre eux, sont divisés, ces gens-là. Et que ces gens-là, par la suite, sont unis contre eux. Shayah al-Hajjouli, qui est un savant salafi, et qu'ils ont divisé les rangs pour cela. Ils ne cessent d'appeler à la division. Hada wal haq. Ce qu'ils font là, c'est diviser les rangs des gens de la salafia. Pleinement. Donc ça, c'est deux mas'ala. Thumma. Autre gros point, qui est un taqlid, le suivi aveugle. Voyakulullahu azza wa jal, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tazakkaroun. Dans le sens, Allah il dit, et suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur, et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés, et ce n'est que peu que vous vous rappelez. Shaykh al-Fawzan, habibullah ta'ala, yakul, fi kitabihi, هذا الكتاب يقول وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميز فيفحصها ويرى الخطأ من الصواب فيقبل الحق ويرد الخطأ ولا يحمله التقليد والأعمى على البقاء على الباطل. Dans son charge, Cheikh Fawzan dit que c'est comme ça qu'il est obligatoire à chaque personne, à toute personne raisonnable, qui regarde dans les paroles des gens, qu'il distingue les unes des autres, qu'il les analyse, et qu'il arrive à distinguer entre l'erreur, entre ce qui est une erreur, ce qui est correct. Et qu'il accepte ce qui est correct et qu'il rejette l'erreur. Et que le taqlid ne le mène pas à rester sur le faux. Comme ces gens-là, c'est leur cas, on leur expose des preuves, mais refusent et ne les acceptent pas. Donc, ce point implique Al-Mas'ala al-Rabi'a Al-Nadina humbebni al-Usul A'zamhu al-Taqlid. Que leur religion est bâtie sur des fondements dont la plus grande est le taqlid, le suivi aveugle, qu'ils imitent aveuglément. As-sabi'a wa thalathun, at-ta'abbud bi-ittikhaz al-akhbar wa ruhban arbaban min dunillah. 37e point qui est qu'ils ont fait du suivi de leurs moines et de leurs rabbins en dehors d'Allah une adoration. Wa qala Shaykh al-Fawzan, wal-an idha sara al-wahid raghbatan fi shay', qala hadha afta bi fulan dun nazar ila mustanadihi. من الكتاب والسنة تقول له هذه الفتوى خطأ يقول ما علي ما دام قد أفتى به فلان. Donc il dit qu'aujourd'hui des gens lorsqu'ils veulent quelque chose ils disent fulan a fait la fatwa, fulan a dit telle et telle chose sans regarder la base, est-ce que cela est tiré du kitab de la sunna. Non, on lui dit cette fatwa elle est fausse, elle n'est pas correcte. Il dit moi peu m'importe, tant que fulan l'a dit, voilà, je reste dessus. Donc, ces gens-là, tu les vois prendre tout ce que disent leurs mâchères comme fausseté. Comme par exemple, les fatwas de Ubayd, Jabiri, ou même de Ferkos, ou Rel Zalika, leurs fatwas totalement fausses, qu'ils prennent, et qu'ils propagent, et qu'ils appliquent. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كذلك إذا نهوا عن البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح يعمل بها أهل البلاد الفلاني وهم عندهم صلاح والتقوى ونقول الصلاح والتقوى لا يكفيان لابد من موافقة الكتاب والسنة. Donc il dit, lorsqu'on les interdit des bid'a dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, ils disent, mais un tel, il le fait, et c'est un savant, ou c'est un homme pieux, ou les gens de tel pays, ils le font. Et ce sont des gens qui ont de la piété et de la réforme. On dit que la piété et la réforme ne suffisent pas. Il faut que cela coordonne avec le livre de la sunna. ثم قال كذلك فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة هي طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Donc le fait de prendre les paroles des savants ou des dévots dans l'absolu comme étant des choses admises, tamam, sans les exposer au kitab wa sunna, ça c'est la façon de faire des gens de la jahiliya qui ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneur en dehors d'Allah. Intaha. Tayyib. Donc là, on explique, on rappelle que le principal pilier dans cette fitna, justement, c'est le suivi aveugle. Et principalement, Kalan Ba'atil, vide de Dalil, de Sheikh Rabi al-Matrali, et des divagations de Mourbel Jabiri. Ce sont les deux principaux moyens, les deux principaux supports dans cette fitna que les gens ont pris pour pouvoir faire le mal qu'ils font. Tout le reste, et les autres qui ont suivi, qui ont parlé, c'est que suivi est taqlid de ces deux-là. T'as même, actuellement. Ils font passer les paroles de la mâchère sur l'épreuve. Ils disent, les savants ont parlé, il n'y a plus de discuter. Non. Et là, une chose que j'aimerais préciser, c'est par rapport à cet audio de Cheikh Rabir qui a déjà des années qui est passé. Cependant, regardez bien des indices qui indiquent que cet audio n'est pas un rad ilmi, ni une chose qui est bâtie sur la religion. Du fait que, regardez bien, toutes les erreurs reprochées à Cheikh Al-Hajouri, il est seulement que le rouleau et le ta'an de Ubay al-Jabiri. Et qu'est-ce qui est plus grave, le rouleau ou le fait de diffamer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de diffamer les sahaba et d'avoir des aqidah qui ressemblent à celles des asha'ira, des mu'tazila et réel zalika? C'est quoi le plus grave? Donc normalement, si c'était un rad ilmi et réel comme il est connu à la base chez Rabir, pour lequel il est ce qu'il applique en général, c'est pourquoi il était connu. Ce rad-là ne tient rien de tout cela. Demain, tu veux bayen le hal d'un mubtadi'a, tu commences par les noqat les plus importantes. Surtout quand c'est un savant. Tu démontres le plus important qu'il a, le plus grave qu'il a, avec les preuves. Tu dis, il dit ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc le rad qu'il a sorti, ce qui vous démontre, mec, ce n'est pas ennemi du tout, c'est qu'il ne sort aucun des points importants qui méritent eux. Ah, mais le fait de dire Yahya al-Hajouri, kada, ou Nasih al-Amin, ce genre de choses, ça mène pas au tabdi'a, ça. Ça mène pas au tabdi'a, du tout. Taïe. Donc on poursuit. Encore parmi les gros points est le rouleau, l'exagération. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءكم من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dans le sens, Allah dit, ô les gens du livre, n'exagérez pas notre religion autre que la vérité, ne suivez pas les passions d'un peuple qui s'est égaré d'auparavant, qui a égaré beaucoup de gens et qui s'est égaré du chemin droit. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فلا يجوز الغلو في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل وكذلك الغلو في العلماء والعباد. Il dit qu'il n'est pas permis d'exagérer dans les créatures et de les élever au-dessus de leur niveau, car cela est une chose qui amène au shirk. Tamam, ça amène au shirk. Et également ce qui en est du rouleau, l'exagération dans les savants et dans les dévots. La mas'ala qui vient de ce point-là, c'est la 13e du kitab. Mas'ala al-thalitha 'ashar. El rouleau fil ulama wa salihin. Voilà ce que dit Cheikh Mohamed Najdi dans son livre. El rouleau fil ulama wa salihin. L'exagération dans les savants, dans les gens pieux. Et ça, c'est une chose également qui vous est clairement apparue. Que ce qui les a contraints à tomber dans le mal de ce qui va suivre par la suite, c'est leur rouleau dans la mâchère. Et par la suite, tu les vois, ils osent accuser de cette maladie dont ils en sont les plus atteints. Ils ont fait des paroles du cercle fermé de leur mâchère un décret divin infaillible et récusable. Et comme on le dit à chaque fois, s'ils ne le disent pas dans leur langue, leurs actes amènent à cela. Autre gros point par la suite. At-ta'assub wa adam al-insaf. Le fanatisme qui est en eux, une absence totale d'équité. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla wa la tu'minu liman tabi'a dinakum. Comme il dit à propos des Yahoud qu'ils ont dit, et ne croyez qu'en ceux qui suivent votre religion. Donc Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, soyez équitables pour Allah et juste, et que la haine pour un peuple ne vous amène pas à ne pas être juste. Soyez juste sur les plus proches de la piété. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Ce point-là inclut du livre de Masa'il Jahiliya, qui est La الثاني وثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من يهودون. Qui est la 32e mas'ala du livre, qui est qu'ils mécront la vérité si elle vient de gens qu'ils n'aiment pas. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والحاصل أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى. Donc il est obligatoire au musulman d'éviter les sunnas qui sont celles des yahoud et nasara. ويا الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه فلا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق. Donc il dit quoi? Ça, c'est le fait de mécroire en la vérité lorsqu'elle vient de quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc que la haine pour un individu ne te pousse pas à refuser le haq qu'il a avec lui. قال ومثل هذا هو موجود الآن إذا كانت طائفة أو جماعة تبعد أحد العلماء فإنهم يرفضون ما معه من الحق فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفض ما معه من الحق. Donc il dit, comme cela est le cas actuellement, si tu trouves un groupe de personnes qui détestent un savant, alors ils refusent tout ce qu'il a avec lui comme vérité. Et que leur haine pour lui, pour ce savant, font qu'ils refusent ce qu'il dit. وأن يعتموه عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤالفته ومن اشتراطه ولو كانت حقا. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص. Donc il dit, tu les vois, ils salissent cette personne, ils font fuir les gens de cette personne, ils mettent en garde contre ses écrits, ses ouvrages, contre ses audios, même s'ils contiennent du vrai. Pourquoi? Pour rien du tout, si ce n'est qu'ils n'aiment pas cette personne-là. Si depuis le début de cette fitna, ils avaient accepté le call sur la Adani, qui est venu de Shayahia avec les preuves claires, plutôt que de suivre aveuglément ou d'attendre ce que leur machir allait dire, d'accord ou pas, il se peut qu'Allah nous aurait épargné, n'en serait peut-être pas arrivé jusque-là. Mais c'est une chose qu'Allah il a voulu, subhanahu wa ta'ala. قال المسألة الثامنة وعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. Qui est la 28e mas'ala, qui n'accepte pas la vérité si ce n'est celle qui provient de leur groupe. C'est quoi la preuve de cela, par ces gens-là, qui n'ont accepté la critique sur la Adani, ou Mohammed al-Imam, ou d'autres, qu'après que quoi, que leur machir ait parlé. Et ces gens-là, ces machirs, n'ont rien apporté de plus que ce qu'ont apporté les gens de Demaj. Je dis même qu'ils en ont apporté beaucoup moins. Ils n'ont presque rien apporté. Un audio, une minute, deux minutes, une petite feuille, c'est fini. C'est tout. Allah musta'an. Parmi les masailles de la GLD également dans ce point, Al-Khamisa wa Khamsoun, Al-Ta'asub al-Mazhab, qui est le fanatisme pour le Mazhab. Al-Thalitha wa Tis'oun, An al-Ladhi labudda minhu indahum ta'asub al-insan ta'ifatihi, qui est la 23e mas'ala, qui est qu'il est obligatoire pour eux que la personne se fanatise pour son groupe. Wa nasr man wa minha zaliman aw mazluman, qui secourt celui qui en fait partie, qu'il soit injuste ou lésé. Na'am. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في كل الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون دون النظر إلى كون ما هو عليه حقا أم باطلا. المهم أنها نحلة أبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهم. لا يفرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبة لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه. Donc ici t'as parlé d'Allah عز وجل dans le sens où il dit que chaque partie se réjouit de ce qu'il possède. Chaque hizb se réjouit de ce qu'il possède. Après, il dit en commentaire, sans même regarder, est-ce que ce parti est basé sur la vérité ou sur le mensonge. Ce qui est important pour eux, c'est qu'il s'agisse là du groupe de leur père, ou de leur grand-père, ou de leur peuple, ou de leur groupe. Il dit que la personne ne doit pas se réjouir du faux, car cela est une punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car si lui se réjouit du faux, il ne pourra pas s'en débarrasser et en sortir. Donc, allez, kadhalika, lina hadfana ittiba al-haq. Donc pourquoi? Parce que notre but, en tant que muslim, c'est de suivre la vérité. Pas de secourir les avis, les opinions, ni de glorifier les pères, ni les grands-pères, ni les shuyukh, ni les mashayikh. وقال كذلك حفظه الله تعالى. وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء والواجب أنه يقبل الحق ولا تعصب لإمامه أو لمدرسه أو لشيخه مثل شيخ الطرق يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء. Donc il dit également cela, cette mas'ala au groupe, ceux qui disent moi je ne suis que un tel parmi les savants, Alors que lui, il est obligatoire d'accepter la vérité, qu'il ne se fanatise ni pour son imam, ni pour son enseignant, ni pour son cheikh. Même comme le font les mouridoun, ou les suiveurs, n'acceptent le haq que de la machir. Il dit, « Et c'est un problème bâti, car il ne doit pas suivre un homme de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc il dit, ça c'est une chose qui est fausse, car il n'est obligatoire de ne suivre qu'une personne désignée, en particulier, et c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est les noqottes qui sont liées à leur ta'assoub, leur manque d'équité, qui se sont fanatisés, sectarisés, sur un groupe de personnes. Thumma, ensuite, autre gros point, al-irtijaj bima laysa bihujja, qu'ils prennent en argument ce qui n'en est pas, pour se défendre. Qala ta'ala, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Ils ne suivent que les conjectures et les passions qui viennent de leur personne ou leur passion, alors que la vérité de leur Seigneur leur est déjà parvenue, la guidée. وقال تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Ils n'ont aucune science, ils ne font que suivre les conjectures, et les conjectures ne remplacent en rien la vérité. Ça implique comme masail qui était الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر. Donc il y a la cinquième masala qui est parmi leurs plus grandes règles, qu'ils se basent sur le grand nombre, sur la majorité. C'est-à-dire que eux, plus ils voient qu'il y a un grand nombre, plus ils se disent que la chose elle est réelle. Comme ils disent, tous les savants parlent, tous les frères sont d'accord, nous sommes tous unis. Il y a même des gens en Angleterre, ils ont fait une feuille qu'ils ont signée, que tous les massagistes de Salafia sont unis de ce désavoué de Hajjouli. La ilaha illallah. Qala Sheikh al-Fawzan, fais-en-Allah ta'ala. Fal'ibaratu laysat bil-kasra. العبرة بالثواب وإصابة الحق نعم إذا كانت الكثرة على الثواب فهذا طيب لكن سنة الله عز وجل أن الكثرة تكون على الباطل. Donc il dit, le point de retour, ce qu'il y a à prendre en considération, ce n'est pas le grand nombre, la multitude, mais c'est plutôt la vérité et le fait d'avoir atteint la vérité. Il dit نعم, en effet, si la majorité, le grand nombre sont la vérité, alors c'est une bonne chose. Cependant, la sunna d'Allah عز وجل, c'est que le grand nombre sont sur le faux. Puis c'est à les versets qui amènent à cela. Ce qui implique comme masail également. As-sabi'a, al-istidlal bikum u'tu quwwa fil afham wal a'mal, fil mulk wal mal wal jah. Donc parmi ces arguments sur lesquels se basent, qui n'en sont pas, des masail de la jahiliya, qu'ils prennent comme argument, qu'ils suivent les gens qui ont reçu la force et la compréhension et les œuvres. Par exemple dans la royauté, ou dans les rangs, ou El Zalika. Il y en a comme ce qu'ils disent les grands savants d'Arabie Saoudite. Al-Mas'ala al-Thamina. Al-Istidlal bi-Abutlan al-Shay bi-Annahu lam yatba'uhu ila al-Du'afa. Que la chose pour elle est fausse quand elle n'est suivie que par les faibles. Al-Ashira. Al-Istidlal al-Abutlan al-Din bi-Killat afham ahlihi wa adam hifzihim. Qu'il voit que la religion elle est fausse, se basant sur le peu de compréhension de ses adeptes, de ces gens-là, comme eux ils le comprennent. المسألة الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. Qui est la 24e masala qui délaisse la vérité si jamais ils ont été devancés par les du'afa, cela par orgueil et par esprit hautain. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس. Il dit, on voit que lorsque les fitons, les troubles, se multiplient, également les égarements, personne ne reste sur la vérité, ce n'est les gens vraiment étrangers parmi les gens. C'est-à-dire une minorité infime. Parmi les masels de la jahiliya, al-khamisa wa ishrun, al-istidlal al-abutlan ihi bisabaq al-du'afa. Ce sont des masels qui se ressemblent toutes celles-ci. Qui est la 25e masala, qui prennent comme argument que la chose elle est fausse si jamais elle a été suivie par les faibles. Et eux, c'est ça. Tous ces points-là reviennent autour d'un fikr qu'ils ont. Ce fikr, c'est quoi? C'est que les grands savants d'Arabie Saoudite ont parlé, et vous n'êtes que les toulab al-ilm du Yémen, des petits. Eux sont des grands, vous êtes des petits. Hadha. Faqala Sheikh al-Fawzan, rahimahullah ta'ala. Fama kullu man 'arifa al-haqq ya'malu bih. فقد يصرفه صارف إما الحسد وإما الكبر وإما الطمع في الدنيا أو الطمع في الرياسة. هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه. Donc il dit le Cheikh, ce n'est pas toute personne qui connaît la vérité forcément qui l'applique. Il se peut que des choses sortent de cela, l'en détourne. Comme par exemple la jalousie, ou l'orgueil, ou qu'il ait des convoitises mondaines, ou qu'il souhaite être un meneur, être devant au devant des gens. D'ailleurs, il y a des choses qui font que la personne reconnaît sa vérité, connaît sa vérité, mais n'accepte pas et ne l'applique pas. قال هذا والشاهد فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ليست عن المعرفة عن العلم والفهم فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc il dit la guider et le tawfiq, ça vient d'Allah سبحانه وتعالى. Ce n'est pas par le savoir, ni par la science, ni par la compréhension, mais ça revient à Allah سبحانه وتعالى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكسر من قول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. C'est pour cela que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم disait beaucoup. Ô toi qui retournes les cœurs et la vision, c'est-à-dire la vision des choses, la vue, raffermi mon cœur sur ta religion. قال فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه كلها أسباب جيدة لكن لا تكفي فهذا مما يعطي المؤمن الحذر وعدم الاغترار بعلمه وعدم الاغترار بفهمه وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية. Donc il dit le simple fait d'avoir le savoir, d'avoir la science, d'avoir la compréhension, tout cela sont des bonnes causes, bien évidemment, mais elles ne suffisent pas. C'est pour cela que l'insan, le mu'min, doit faire attention et prendre garde, et ne pas se laisser impressionner par sa science, se laisser duper par sa science ou par sa compréhension, mais qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le raffermisse sur la vérité et sur la guidée. Intaha kalam. Toujours parmi ces masa'il dans ce même point. Al-hayata asha, al-istidlal, bil-qiyas al-fasid. Wal-thalisa asha, wal-thani asha, inka al-qiyas al-sahih. Parmi leurs faux arguments, qu'ils prennent comme preuve de fausses analogies. Et le contraire, qu'ils refusent les bonnes analogies. Comment cela? Par exemple, tu vois des gens pour sauver Ubay al-Jabiri, ils sont partis chercher des fatawas, des erreurs d'autres savants, pour dire, d'autres savants, ils ont fait pareil que lui. Mais ils ont été contraints de prendre des paroles qui sont fausses. Donc ce qui démontre bien que Ubay al-Jabiri est sur le faux. Et ils veulent faire croire qu'elles sont vraies. Comme eux, ils ont dit ça, donc on ne peut pas parler sur Cheikh Ubay, parce que eux aussi ont dit la même chose. Et à l'inverse, ils accusent Cheikh al-Hajouri de choses qu'il a dit qui sont vraies, ou au minimum, fi akhilaf, quand même, dont il est précédé justement par d'autres savants. Et ça, ils le refusent. Quand on dit, vous dites, al-Hajouri, il a dit ça, bah, d'autres ulama, ils l'ont dit. Pourquoi vous ne faites pas pareil à ce moment-là? Ils ne le font pas. Donc, ils font un faux qiyas, avec des erreurs de savants, et refusent le vrai qiyas sur les paroles vraies de le savant. Parmi les masa'il qui sont inclus dans ce point-là, al-khamisa achar, i'tizaruhum an ittiba' ma atahumullahu bi'adam al-fahm, qui est la 15e masa'ala du livre, qu'ils se justifient de ne pas suivre la vérité que Allah leur a apportée, disant qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est plutôt pour les petits suiveurs. Beaucoup d'entre eux, qui ont peur de se retrouver tout seuls. Tu leur apportes des arguments, parmi les mukallidah, ils te disent, ouais, mais je comprends pas, c'est trop compliqué, ou j'ai peur de prendre une ambiguïté, donc je suis les grands savants. Badahada. Parmi les gros points. Annahum yaqtaduna bimani sabikudwa. Le suivi des mauvaises personnes. Ils suivent des mauvaises personnes. Yaqulullahu azza wa jal, yom yaruzu zalimu ala yadei, yaqulu ya laytani takastu ma'a rasul sabila. Le jour où l'injuste se mordra les doigts, les mains, il dira pauvre de moi que je n'ai pris la voie du messager. Taïb. Cela inclut, parmi les masses de la Jahiliya du livre, At-Tasi'at Ashar, ou At-Tasi'at, Al-Iqtida, Bifasakati l'Ulama, qui suivent les Ulama parmi les pervers. Qala Shaykh al-Fawzan, Hafizallahu Ta'ala, وفسقة العلماء هم الذين لا يعملون بعلمهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. Donc il dit les فسقة des علماء, qui sont-ils? Ce sont ceux qui n'appliquent pas leur science et qui mentent sur Allah et savent qu'ils mentent sur Allah سبحانه وتعالى. قال من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الهوى تحت المظلة أنهم علماء والناس يثقون فيهم. Et cela pourquoi? Pour pouvoir arriver à leur but et au suivi de passion sous couvert qu'ils sont des ulama. Comme ils sont des ulama, ils se permettent de faire des choses comme ça et que les gens leur font confiance. وفسكت العباد هم الذين يعملون بالعلم والناس يثقون بهم. Et les fasaqa parmi les dévots, les ubbad, sont ceux qui appliquent mais sans science. Et que les gens leur font confiance pour leur piété apparente. Ça inclut parmi les masail kazalik, as-sabi'a wa sab'un. Anna aimatahum imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Qui est la 27e mas'ala, que leurs imams sont soit un savant fourbe, ou alors un dévot ignorant. Ils suivent des gens inaptes à émettre des fatawas, à l'instar de Al-Jabiri, Firkos, ou même celui qu'on appelle Chalabi en Jazair. Et ils suivent des prédicateurs parmi les petits qu'on mettra au stade des dévots, qui sont des ignorants. Actuellement, qu'ils soient arabophones ou francophones, quand même, et surtout les francophones, sont des gens qui n'ont pas le statut que ces gens s'imaginent. Et n'ont pas le niveau que ces gens s'imaginent. Malheureusement. Et ils les suivent. Donc tous ils se mettent, ils se passent le relais. On met tous en garde contre le Hajjouli, on parle. Et après, les gens, quand ils voient tout le monde qui parle, ben, ils disent, ben, c'est qu'il y a quelque chose, et ils suivent, malheureusement. Ah, d'ailleurs, j'ai les mazas, et taqlid. Wa kazalik, et ta'assou. Car c'est leur groupe. Taïe. Fouma, autre gros point. Al-inad, wa rad al-haq, wa isbat al-batil. Qu'ils s'obstinent, ils rejettent la vérité, et affirment le faux. Qala ta'ala, qala al-lazina stakbaru, inna billazi amantum bihi kafirun. Que ceux qui sont enflés d'orgueil ont dit, c'est-à-dire à ceux croyants qui avaient suivi Salih, certes, nous mécroyons en ce quoi vous croyez. C'est-à-dire, ils rejettent la vérité. Ce qui implique Al-Mas'ala, parmi les mas'alas de la Jahiliya, Al-Rabi'at Ashar, Qa'idat Al-Nafi Wal-Izbat, Fa Yattabi'un Al-Hawa Wal-Zon, Wa Yu'ridun Amma Atahumullah, qui est la 14e mas'ala du livre, qui est leur règle, qui est la négation et l'affirmation, c'est-à-dire du faux. Ils suivent les passions et les conjectures, et se détournent de ce que Allah SWT leur a accordé, c'est-à-dire comme preuve. Donc ces gens-là, quand tu leur démontres la fausseté de leurs accusations, et que rien qui ne tient debout, avec des preuves tranchantes et avec rien, ils le refusent, et persistent à affirmer le faux. Parmi les gros points, al-tanaqud, les contradictions. Yaqulullahu azza wa jal, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et ne méditent-ils pas le Coran, car s'il provenait d'autre que Allah SWT, ils y auraient certes trouvé maintes contradictions. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فمن ترك الحق فإنه يبتلى بتناقض وتضارب أقواله لأن الضلال يتشعب ولا حد شعبه أما الحق فإنه شيء واحد لا يتشعب ولا يختلف الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. Donc il dit, celui qui délaisse la vérité sera forcément éprouvé par des contradictions. Et il verra ses paroles s'opposer les unes aux autres. Car l'égarement est divers et multiple. Et ses branches sont indénombrables. Alors que la vérité n'est qu'une. La vérité n'est qu'une. Et ne diverge pas. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit, qu'y a-t-il donc au-delà de la vérité, si ce n'est l'égarement? Ce qui inclut, comme enseigne de la Jahiliya, Al-Ishroun Bard al-Mi'a, Al-Tanaqud al-Wadih, Lamma Kazzabu al-Haq, qui est la 120e Mas'ala, qui est la contradiction flagrante après qu'ils aient démenti la vérité. Par exemple, comme le fait qu'aujourd'hui se mettent, qu'ils sont mis plutôt, avant qu'ils ne meurent, à mettre en garde contre les Adani, pour les mêmes causes pour lesquelles il fut critiqué, et pour lequel ils l'ont défendu auparavant, au Mohammed l'imam. Comme ce fut le cas, comme Tanakoud, contradiction, Sharabi avec le livre de Libana. Ou comme le cas du site Al-Wahiyyin, qui est plein d'inconnus, de majahil. Ou comme par exemple, Hani Bouraik, qui est devenu ministre, hein, parmi les aides de Sharabi, alors que Sharabi lui-même mettait clairement en garde contre cela auparavant, dans plein d'audio. Mais là, comme c'est lui-là, c'est devenu permis. Ou alors, Sharabi dans son tad'if, lorsqu'il a rendu faible le Athar d'Ibn Omar, dans lequel il dit que le Azan de Othman c'est une bid'a, comme l'a démontré clairement et scientifiquement Al-Akh Abu Hatim, tamam, le frère Youssouf Abu Hatim, qui a rod à Sherabir sur cette mas'ala, dans lequel Sherabir a rendu faible le rapporteur Hisham ibn Raz, alors que lui-même l'a rendu siqa dans d'autres endroits. Ou alors qu'il rejetait le jugement de certains hommes, alors qu'ils acceptaient dans d'autres situations. Tanakoud, le Sabit Tanakoud, plein. Combien de gens, ces gens-là, ce groupe-là, ont-ils critiqué pour certaines paroles ou positions, alors qu'on trouve les mêmes chez leurs alliés, et voilà qu'ils cautionnent et défendent. Et leurs contradictions ne se comptent même plus. Même plus, tellement il y en a. À la colline, Qala, dans les masses de la Jahiliya, dans ce point-là, Al-Thamina Ashara. Tanakoudouhum, Fintisabihim, il est l'anbiya, ma mukhalafatihim. Les gens de la Jahiliya sont contradictoires du fait qu'ils s'apparentent aux anbiya, mais s'opposent à eux. Al-Wahida wa Ishroun Bard al-Mi'a. Da'wahum ittiba' al-Salaf ma tasrih bima khalafatum. Qui est la 121e mas'ala, qui est qu'ils prétendent suivre les salafs, quand même, avec plutôt une opposition apparente et flagrante. À semaine Hajj. À leur voix. Quand la Shri al-Fawzain, Hafizallahu ta'ala. Wal-Ibaratu laysat bid-da'wa, wa innama al-Ibaratu bil-Haqiqa, fal-lazi yad-da'un al-Salafiyata kathirun. لكن لابد من عرض ما هم عليه على منهج السلف الصالح فإن طابق فهذا حق وإن خالف فإنهم ليسوا على منهج السلف الصالح. Donc il dit également ce qui est à prendre en considération, ce ne sont pas les prétentions mais plutôt la réalité des choses. Il a dit ceux qui prétendent à salafia sont très nombreux, cependant nous devons exposer ce sur quoi ils sont avec le manège des salaf. S'ils coordonnent, alors leur prétention elle est réelle, elle est véridique. Mais si jamais ils s'y opposent, c'est qu'ils ne sont pas sur la voie des salafs. قال في المسائل الجاهلية dans le livre التاسعة وعشرون أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقول الطائفة. Regardez bien, qui est la 29e mas'ala, que malgré cela, ils n'appliquent pas ce que dit leur groupe. C'est-à-dire en toute chose. Dans quel cas, par exemple, Cheikh Rabir, sa position face aux jam'iyat, مثلاً, ou au tasawwul, le fait de mendier, de faire des associations. Qu'est-ce qu'il dit? Il l'interdit. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils en font à tout va. Même s'il n'est pas tous. Et au minimum, ceux qui ne sont pas d'accord se taisent sur ceux qui font cela. Ils ne parlent pas sur eux. Ils ne disent rien du tout. Et de l'autre côté, cette masse-là, on peut la prendre comment? Du fait qu'ils se prétendent salafis, suivent les salafs, mais s'opposent à la voie des salafs. قال من مسائل الجاهلية كذلك الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. Qui est la 68e mas'ala, qu'ils prétendent appliquer ce qu'ils ont comme vérité, comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit nous ne croyons qu'en ce qui est descendu sur nous, et pourtant ils le délaissent par la suite. Ils délaissent cela par la suite. قال المسألة السابعة وتسعون افتخارهم بانتسابهم للطيبين مع مخالفتهم لهم. Qui est la 97e mas'ala, qu'ils se vantent en s'apparentant aux gens de bien, c'est-à-dire les savants ou les salafs, tout en s'opposant à eux. Donc on le dit, ces gens-là s'apparentent à la salafia, mais ne suivent pas les salafs dans l'application du haq et des règles. Ils disent suivre les savants, mais prennent ce qu'ils veulent dans beaucoup de points. Quand même, ils prétendent, par exemple, les Meshia Mokbil, rahimahullah ta'ala, mais qu'ils sont plus fidèles élèves sur des points alors qu'ils disent la même chose que son shir. Un exemple de cela, Mas'alat al-Adhan. Dans l'Adhan de Othman, le Kalad du Meshia Mokbil, c'est le même. Shia Yahya a appris cette Mas'alat de son shir. Meshia Mokbil, lui, il ne se comporte pas comme ça avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un imam. On peut pas parler sur lui. Du moins, on évite. Bien que, il y a déjà eu des fuites qui sont faites. Donc, regardez un peu. Comment ils sont ces gens-là? T'en as à cause. Ils disent suivre, quand même, Cheikh Rabir, mais délaissent l'application des règles par lesquelles il a dévoilé un bon grand nombre d'innovateurs et qui n'ont pas été appliquées ici. Les règles pour lesquelles cet homme a été connu et vanté ne sont pas appliquées ici aujourd'hui. Ni par lui, ni par ses suiveurs. Al-Mas'ala, Al-Thamina wa Sab'un. Da'wahum mahabbatullahi ma'atarkihim shara'ahu. Qu'ils prétendent aimer Allah en délaissant sa législation. Attention, Les points cités sont les points de la jahiliya tamaman. Nous, on les met ici juste pour montrer la ressemblance. On ne dit pas qu'ils n'aiment pas Allah. Mais là, on compare par exemple mahabbatillah, le fait qu'ils prétendent aimer la vérité, la religion, le ménage des salafs. C'est une comparaison. Ne pas se méprendre sur les paroles. Taïeb. Donc les gens de la jahiliya prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala tout en délaissant sa législation. Ces gens-là agissent de la même façon. Avec le ménage des salafs, avec la vérité. Quand Allah est cher al-Fawzan. مع أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتبعون مشايخهم. Donc il dit cependant, ils s'opposent à la législation d'Allah سبحانه وتعالى. Ils ne suivent pas le messager صلى الله عليه وسلم, mais ils suivent leur mashayikh. Parmi les messagers de l'Égypte de ce point. الثالثة وثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم. Qu'aujourd'hui, qu'ils renient ce qu'ils ont affirmé comme étant dans leur religion. Aujourd'hui, ils renient ce qu'ils affirmaient auparavant. Comme écrire des pseudos, par exemple, qui reprochent des paroles qu'eux-mêmes ont prononcées. Par exemple, comme par exemple, Nasir al-Amin, Cheikh Rabia l'a dit pour lui-même plusieurs fois, et quand c'est Cheikh Rabia, il le reproche de dire Nasir al-Amin, conseiller de confiance. Ou comme par exemple sa parole, que la sunna n'est pas totalement une révélation, c'est-à-dire, Tawfiqiyya. T'as même, Cheikh Rabia a les mêmes paroles que Cheikh Rabia. Et pourtant, Arafat a reproché cela à Cheikh Rabia dans son rod. Alors que Charabi a une même parole. Ils l'ont accepté pour eux, mais l'ont renié par la suite quand le Hajjouli l'a dit. Par exemple, que Charahayaha a dit qu'on craint pour Obeid, est Ridda, l'apostasie. Ils en ont fait tout un scandale. Charabi a eu des paroles similaires par rapport à Abul Hassan, à l'époque. Les Saints ne l'ont pas dit. Taïb. Parmi les Massa, il est également. Al-Hadiya wa Thalathun. Ma'aratuhum ad-din al-lazim tasabu ilayhi ghayat al-adawa. Qui est la 31e mas'ala, qu'ils sont pris en ennemi cette religion à laquelle ils s'apparentent. Et là, on se parle là, le ménage des salafs. Et ça, c'est le résultat de toutes ces mas'ala, qui se disent salafis, mais dans cette fitna, ils combattent totalement ce ménage et ses règles, et ses adeptes, et les prennent en ennemi. Tama amen. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils prétendent faire l'éloge de Shamouk Bil Rahimallahu Ta'ala, de sa da'wa, mais mènent la guerre à son fidèle héritier et représentant. Shayaha n'a rien changé de ce sur quoi était le merkaz de Demedj. Bien au contraire, le bien a augmenté, sa da'wa s'est encore plus propagée. Adamin Allah, quand même, thumma min sabab, Shaykh Yahya al-Hajjouli. D'abord, parce que c'est Allah qui l'a voulu, et par le biais, par la cause de Shayaha et des gens qui sont entraînés avec lui là-dedans. Ça, c'est comme le font les Shia, qui disent qu'ils aiment Ali, radiallahu anhu, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dénigrent les plus grands et fidèles compagnons, les Sahaba. Qui eux n'ont rien changé à la religion et à la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces sahaba ont été la plus grande cause de propagation de l'islam dans le monde. Taïeb. Nouveau gros point. Al-iftikhar wa al-da'awat. La vantardise et les fausses prétentions. Quand Allah azza wa jal, wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Et ne vous vantez pas vous-même, car il est plus savant de qui craint. Ce qui inclut, dans les masses de l'Ejaïlia, التاسعة والسبعون تمنيهم الأماني الكاذبة qui est la 79e mas'ala qui est les fausses prétentions et mensongères comme le fait par exemple qu'ils se disent salafis qui veulent suivre le haq soi-disant qui veulent secourir le haq et qui veulent défendre les sahaba et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout ça ils l'ont pris on veut et en réalité ce n'est pas ça qu'ils veulent. الثانية وتسعون الفخر ولو بحق فنوي عنه qu'ils se vantent même si ce qu'ils ont fait c'est vrai ils s'en vantent ça c'est la mas'ala qui est la 92e qu'ils se vantent que ce soit vrai ou pas vrai ils se vantent et ça Cheikh Rabi al-Matreli a plusieurs paroles à son actif en titre d'exemple on en cite dans son kitab منهج الإمام مسلم والدارقطني. قال ولو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة حتى البخاري دراسة وافية لما تجاوزوا في نظري النتائج التي وصلت إليها لأنني بحمد الله طبقت قواعد المحدثين بكل دقة ولم آلوا في ذلك جهدا. وكلا دي كوا. الشيخ ربيع. que même si Abu Hatim ou autres parmi les imams, même al-Bukhari avait étudié de façon fidèle, il ne serait pas arrivé, c'est-à-dire ça ne sera pas en particulier, c'est pas dans l'absolu dit, ça ne sera pas en particulier. Il a dit, il ne serait jamais arrivé à mes yeux au résultat auquel je suis parvenu moi. Car par la grâce d'Allah, j'ai appliqué les règles des muhaddithin avec précision et que j'ai fourni les efforts qu'il fallait. Donc regardez bien que pour lui, dans cette parole-là, que même Abu Hatim, Al-Bukhari, les imams parmi les muhaddithin, parmi les anciens, ne serait pas arrivé au stade auquel il est arrivé, dans une mas'ala, car lui, il a appliqué les règles de façon précise et correcte. Quoi, ces imams ne le font pas eux aussi? Si jamais c'était Shayakha qui avait dit ces paroles-là, je ne sais même pas ce qu'ils auraient fait. Je ne sais même pas ce qu'ils auraient fait. Donc cette parole-là, des gens pourraient dire, les Hizbi aussi la disent. On dit, naam, cependant cette parole-là, ça fait longtemps moi, que je la connais. Qu'on me l'a informé depuis des matchs. Ce n'est pas des Hizbi que je l'ai brisé, les Salafis qui m'ont informé. Ça fait un bon moment. Et même si les Hizbi aussi la disent, les Hizbi disent aussi la ilaha illallah. Donc on va faire quoi? Comme ils disent la ilaha illallah, on va pas dire la ilaha illallah. Les Hizbi disent Mohammed Rasulullah. On va pas le dire aussi. Si ce qu'ils ont dit c'est vrai, c'est vrai. Cette parole-là, il l'a dit, elle est grave. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Tamam. Là, c'était la première partie. Et on poursuivra, Inch'Allah, le reste des masaïl qui restent. فنسأل الله يوفقنا بما سمعنا وما قلنا ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك